Deux d'entre vous, Jacques et Pierre, m'ont demandé comment je voyais le marché immobilier en 2023. Jacques, lui, pense qu'il aimerait bien s'acheter son appartement cette année, et Pierre, à l'opposé, aimerait peut-être vendre le sien. Ben, j'ai une mauvaise nouvelle pour les deux. Avec l'augmentation des taux d'intérêt, que ce soit en France, en Europe ou un peu partout dans le monde, eh bien, on a une difficulté supplémentaire à se faire un patrimoine immobilier. Et les experts de la BCE ou même ceux de la Banque de France semblent maintenant tout faire pour nous conduire directement au krach immobilier. Mais pour vous parler de ça, il faut que je vous raconte une histoire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw Make Money. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous connaissez tous Abel. Abel au bois dormant, c'est un haut fonctionnaire de la BCE. Abel au bois dormant, il a dormi en 2020 et 2021. Il s'est reposé et il n'a pas du tout vu l'inflation venir. Et début 2022, quand tout le monde parlait d'inflation, Abel a commencé par nier. Non, elle était juste temporaire et elle ne devait pas durer ni même monter très haut. Et puis voilà, un moment, nier n'a plus suffi. Du coup, Abel a été obligé de reconnaître qu'il existait une inflation. Et on a fini l'année 2022 avec une inflation à 6,2% en France et à 10,7% sur l'ensemble de l'Europe. Or, l'objectif d'Abel, c'est d'avoir une inflation à 2%. C'est sa mission principale et c'est même la seule mission de la BCE. Du coup, comme il est en train d'échouer dans sa mission, Abel est obligé d'augmenter les taux d'intérêt. Il augmente les taux d'intérêt pour pouvoir refroidir l'économie. Je m'explique. Lorsque Jacques veut s'acheter une voiture à crédit, si le taux d'intérêt est très faible, eh bien, il aura de grandes facilités à acheter cette voiture et ça fera marcher l'économie. Par contre, si les taux d'intérêt sont très élevés, il va avoir beaucoup de mal à acheter la voiture. Plus les taux d'intérêt seront élevés, plus il aura de mal à le faire. Et du coup, eh bien, forcément, l'économie va se mettre à ralentir. Du coup, quand la BCE veut ralentir l'inflation, et pour ralentir l'inflation, il faut ralentir l'économie, quand la BCE veut ralentir l'inflation, donc, eh bien, elle augmente ses taux d'intérêt. Alors, Jacques, évidemment, me demandera, mais pourquoi est-ce que quand la BCE augmente ses taux, ça a un impact quelconque sur les taux que me fait ma banque commerciale pour acheter mon appartement? Donc, quel est l'impact de la hausse des taux de la BCE sur mon bien immobilier? Ben, c'est très simple. Lorsque tu vas voir ton banquier, Philémon, eh bien, il te prête ou non de l'argent. Mais pour pouvoir te prêter de l'argent, eh bien, Philémon code secret, il est obligé d'en emprunter lui-même à la Banque centrale. Et il emprunte cet argent à la Banque centrale avec le taux d'intérêt que lui demande la Banque centrale. Du coup, quand Philémon code secret fait un prêt à Jacques, eh bien, il le fait avec le taux d'intérêt de la Banque centrale, plus un montant qui est lié au fait, eh bien, que plusieurs de ses clients ne vont pas réussir à le rembourser. Donc, il faut s'assurer, entre guillemets, cette perte qui sera liée au non-remboursement de certains prêts, plus une marge qui permet de rémunérer le réseau d'agences bancaires, plus le bénéfice de la banque. Donc, systématiquement, Philémon va prêter cet argent à Jacques à taux d'intérêt de la Banque centrale plus quelque chose. Ce qui fait que quand le taux d'intérêt de la Banque centrale augmente, eh bien, Philémon est obligé d'augmenter les taux auxquels il prête de l'argent à Jacques. Et c'est pour ça, Jacques, que c'est de plus en plus cher pour toi d'emprunter en ce moment pour acheter de l'immobilier. En fait, la Banque centrale européenne s'est aperçue récemment qu'il y avait de l'inflation et depuis 6 mois, elle essaye de corriger cette inflation en augmentant ses taux d'intérêt. Du coup, Philémon achète plus cher l'argent auprès de la banque centrale et toi, il te prête l'argent de plus en plus cher. Et ça commence à atteindre des 3% actuellement, ce qui est un taux assez élevé par rapport à ce qu'on connaissait en 2020 ou 2021. Résultat, Philémon code secret s'aperçoit qu'il fait de moins en moins de prêts. L'an dernier, enfin en décembre 2021, le nombre de prêts était en hausse de 1% par rapport à l'année précédente. Eh bien, en 2022, le nombre de prêts est en baisse de 12% par rapport à l'année précédente. C'est une baisse assez exceptionnel. Et Philémon se demande d'ailleurs comment il va pouvoir continuer à gagner de l'argent dans l'immobilier avec ça. Surtout que, en plus de ces problèmes qui sont créés par la BCE, et attention, moi je pense qu'il faut augmenter les taux d'intérêt, donc c'est parfaitement normal de le faire, mais en plus de ces problèmes qui sont liés aux experts de la BCE, eh bien vous avez ceux qui sont liés aux experts de la Banque de France. La Banque de France, elle a un banquier central qui s'appelle Alban. Banquier central, lui, tous les trimestres, il a un travail précis, c'est de calculer le taux d'usure. Le taux d'usure, c'est le taux maximal auquel Philémon, code secret, a le droit de prêter de l'argent à Jacques. Il ne peut pas aller au-dessus de ce montant. Le problème, c'est que entre Alban, qui est central, et la BCE, il n'y a pas automatiquement une équivalence des taux. C'est-à-dire que la BCE peut, elle, augmenter son taux d'intérêt régulièrement, sans que Alban, qui est central, lui, augmente le taux d'usure. Du coup, vous pouvez avoir une BCE qui dit que son taux directeur est à 2%, mais de l'autre côté, une Banque de France qui dit que le taux d'usure est à 2,5%. Et du coup, Philémon, lui, eh bien, il doit placer 2% de taux de banque centrale plus la marge qu'il fait pour payer son réseau et pour s'assurer contre les gens qui ne payent pas, plus les assurances, plus les frais de dossier, plus la marge commerciale entre les 2% de la Banque Centrale Européenne et 2,5% du taux d'usure de la Banque de France. Et parfois, c'est juste impossible. Du coup, il refuse tous les dossiers qui arrivent. Mais là, je vous ai parlé des taux d'intérêt, ça répond pas à la question de Jacques et de Pierre. Jacques m'a demandé notamment s'il y avait un espoir dans l'immobilier neuf, si par hasard, il allait pouvoir acheter un petit peu moins cher. Eh bien, c'est pas du tout gagné, Jacques. En 2023, l'immobilier neuf devrait continuer à augmenter. Pour une raison très simple, ou plutôt deux raisons très simples. Tout d'abord, c'est le coût des matières premières. Il y a de l'inflation. Du coup, le coût des matières premières qui sont utilisées dans le bâtiment augmente. Ce qui fait que construire un immeuble, construire une maison, revient nettement plus cher qu'il y a un an. Et forcément, le constructeur, le promoteur immobilier est obligé de répercuter ce coût à ses clients. Et puis la deuxième raison, eh bien c'est le coût de la main-d'œuvre. Évidemment, la main-d'œuvre, les ouvriers, ils ont demandé à être augmentés en 2022. Ils voyaient l'inflation, ils sentaient bien qu'ils n'allaient pas pouvoir continuer comme ça. Résultat, on a globalement augmenté les salaires de plus de 3%. C'est même 3,3% dans le secteur de la construction en 2022 par rapport à 2021. Donc c'est un coût supplémentaire pour les constructeurs de logements neufs et un coût qu'ils vont aussi répercuter dans le prix de vente dans leurs appartements. Donc en 2023, on va avoir une augmentation des prix de l'immobilier neuf. Et on devrait aussi avoir une diminution du nombre de constructions parce qu'ils ne peuvent pas comme ça se lancer à l'aveuglette dans des constructions. Aujourd'hui, leur coût augmente et finalement Jacques ou les autres acheteurs ont de moins en moins la possibilité d'emprunter pour acheter. Les promoteurs immobiliers dans le neuf vont faire face à de grosses difficultés. Et peut-être Jacques, tu as une petite chance de négocier le prix d'un appartement qui aurait déjà été construit et pas encore vendu. Il reste parfois certains appartements qui sont fabriqués, qui sont neufs, mais qui ne sont pas encore vendus à la fin du programme. Là, certains constructeurs vont être obligés de baisser les prix, mais ça sera extrêmement rare. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus. Je vous la mets dans un coin de celle-ci et dans la description pour que vous puissiez aller la voir. Pierre, de son côté, me disait qu'il a un appartement dans l'ancien et il voulait savoir s'il devait vendre maintenant ou s'il pouvait attendre un peu. Pierre, dans l'ancien, les prix vont très probablement baisser en 2023 pour deux raisons. Tout d'abord, d'un côté, il y a un problème avec les acheteurs. C'est ce que je vous expliquais. La BCE augmente ses taux. Du coup, les banques commerciales, comme celle de Philémon Code Secret, sont obligées d'augmenter leurs taux. Du coup, il y a de moins en moins de personnes qui peuvent emprunter. Et comme en plus, de l'autre côté, Alban, notre banquier central de la Banque de France, met un taux d'usure trop bas, eh bien, on retire la plupart des gens qui peuvent acheter. Donc, il y a un problème du côté des acheteurs. acheteurs. Mais du côté des vendeurs, il y a tous ceux qui sont obligés de vendre, soit par un changement de leur vie de famille, soit parce qu'il y a un décès et qu'ils héritent de cet appartement dont ils ne savent pas quoi faire, soit tout simplement parce qu'ils changent d'activité professionnelle. Toujours est-il qu'il y a plusieurs personnes qui vont être obligées de vendre. Au début, ils ne vont pas baisser leur prix, ils vont garder le même prix. Il va y avoir un plateau sur les prix. Et puis, certains vont être plus dans l'urgence que d'autres. Et donc, ils vont commencer à accepter de baisser leur prix. On l'a vu ça en 2012. Les prix ont commencé à baisser. Et la baisse, elle va s'accélérer. Elle va s'accélérer parce que, eh bien, les gens obligés de vendre vont devoir baisser de plus en plus leur prix pour être certains d'avoir un acheteur. Et on voit que les prix de l'immobilier, ils ont commencé à baisser dans les 15 plus grandes villes de France et ça va continuer en 2023 et la plupart des économistes commencent à dire 15% de baisse en 2023. Donc finalement, mes nouvelles concernant l'immobilier, elles sont mauvaises à la fois pour les acheteurs parce que ça va être de plus en plus difficile d'obtenir des crédits pour pouvoir acheter un bien immobilier et que les crédits vont probablement augmenter, les taux d'intérêt d'après la Banque Centrale Européenne vont continuer à augmenter, donc les taux auxquels Jacques emprunte pour acheter son appartement vont continuer à augmenter. Les nouvelles, elles sont mauvaises pour les vendeurs parce que finalement, ceux qui font, les promoteurs qui font des appartements neufs, eh bien, ils vont avoir l'obligation d'augmenter leur prix, mais ils vont avoir de moins en moins d'acheteurs. Donc, ils vont devoir stopper ou ralentir l'augmentation de leur construction. Et puis, elles sont mauvaises pour Pierre, qui lui possède dans l'ancien, parce que l'ancien va probablement baisser fortement en 2023. Et j'aimerais bien savoir où vous en êtes, vous. Est-ce que vous avez un projet immobilier en 2023? Est-ce que vous pensez que vous allez probablement acheter un bien immobilier? Ou est-ce que vous vous dites que ce n'est pas du tout le moment et qu'il vaut mieux attendre peut-être 2024 qu'il y ait eu une grosse baisse des prix de l'immobilier? Dites-le-moi dans les commentaires. Et le dicton du jour, parfaitement en lien avec les deux personnes qui m'ont envoyé les questions. Finalement, aujourd'hui, les Jacques sont malheureux comme des pierres. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.